Vous écoutez Culte, le podcast culturel. Aujourd'hui, Marina Abramović. Artiste totale, figure de l'art contemporain, c'est une pionnière qui redéfinit sans cesse ses limites et celles de l'art. Et je vais vous raconter comment elle est devenue la reine de la performance. Artiste serbe, Marina Abramović est née en Yougoslavie, le pays des interdits sous Tito. Elle a une éducation stricte, religieuse, elle a subi des sévices. Mais pour elle, comme elle l'a dit, pire est votre enfance, meilleur artiste vous deviendrez. Et sachez qu'elle est devenue une grande artiste. Après des études d'art à Belgrade, elle commence par la peinture, puis explore, et s'oriente vers l'art conceptuel et les performances corporelles. Et c'est ça qui fera d'elle une référence. Ses premières performances sont déjà puissantes. On sent la rébellion, le rejet de l'éducation stricte. Et il n'est pas rare qu'elle mette son corps en danger pour son art, l'art corporel. Comment définir le body art, ou l'art corporel, ou finalement l'art indéfinissable? C'est quand le corps de l'artiste devient le support de l'œuvre, qu'il met le langage du corps au centre de son art. Alors oui, c'est parfois extrême et très souvent polémique. Il est apparu dans les années 50, avec les premières performances, des happenings. On repousse ses limites et on marque fort les esprits. Marina Abramović est vite reconnue pour ses performances, souvent extrêmes, mais uniques. Au cours de sa vie, elle s'est congelée, s'est flagellée, a mis sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre, même si pour elle, le sensationnalisme n'est pas un objectif. Elle souhaite aller au-delà de ses propres limites physiques et mentales. Et elle enchaîna des performances qui marquèrent les esprits. ...1974, Naples. Elle réalise Rythme Zéro, qui la fera rentrer dans l'histoire de l'art contemporain. Le principe. Elle laisse son corps à disposition du public pendant 6 heures. Devant elle, une table, avec 72 objets. De plaisir, des plumes, des fleurs, et des objets de destruction. Lame de rasoir, un couteau, un pistolet chargé. Et devant elle, un panneau d'instruction sur lequel il est inscrit. Il y a 72 objets sur la table que l'on peut utiliser à volonté sur moi. Performance, je suis l'objet. Au cours de cette période, j'assume entièrement la décision que j'ai prise. Durée, 6 heures. De 20h à 2h. Le public est donc libre de faire ce qu'il veut d'elle, lui parler, la toucher, la manipuler. Mais peu à peu, elle subit des humiliations, des agressions sexuelles. On l'entaille au rasoir pour lui sucer le sang. On va jusqu'à lui positionner le pistolet chargé sur son cou. En peu de temps, elle révéla donc la cruauté des hommes envers un individu docile et déclara « Ce travail révèle quelque chose d'effroyable à propos de l'humanité. » Cela montre à quelle vitesse une personne peut vous blesser dans des circonstances favorables. Cela montre que si l'occasion se présente, la majorité des personnes normales en apparence peuvent devenir vraiment violentes. Mais elle mena également des actions purement politiques, en utilisant, comme toujours, son corps comme terrain d'expression. Pour dénoncer la guerre en Yougoslavie, son pays d'origine, elle réalisa Balcon Baroque, une œuvre funeste en Italie. Elle s'enferma, 4 jours, vêtue de blanc sur une montagne de chair et d'os d'animaux. Pour plonger les visiteurs au cœur de la barbarie guerrière, elle s'était entourée d'écrans, diffusant des images de son pays. Et 4 jours durant, elle nettoya méticuleusement en enlevant la chair et le sang de chaque os. Un acte de purification et un signe de deuil. Puissant. Unique. une rencontre changea sa vie. Oulai, artiste allemand qui questionne aussi le corps et la société. 1975 marque donc le début d'une collaboration de 13 ans, avec celui qui deviendra son partenaire à la ville comme à la scène. À eux deux, ils forment le couple mythique de l'art. Ils explorent une relation triangulaire avec le public et questionnent l'alter ego, la question du couple. C'est un couple passionnel, qui voyage dans le monde entier et qui se met sans cesse à l'épreuve dans leurs performances. Et les relation war, comme ils l'appellent. Rest Energy, 1980. Marina et Oulai tiennent un arc bandé avec une flèche empoisonnée. Ils ciblent le cœur de Marina. L'arc est sous tension pendant 4 minutes 30. 4 minutes 30 de suspense pour saisir la relation passionnelle qui les unit. Au total, ils réaliseront 68 performances dans le monde entier, mais la plus marquante reste leur dernière, en 1988. Pour leur ultime performance, ils se placent aux deux extrémités de la Grande Muraille de Chine et entament, chacun de leur côté, une longue marche de 4000 km. Ils marchèrent jusqu'à l'épuisement et se croisèrent au bout de 3 mois. Cette rencontre, au milieu de la muraille, scella leur rupture après 13 ans. Et ils se dirent adieu. Marina Abramović est aujourd'hui la papesse de la performance. Même si cela a été long. Pour elle, ça prend beaucoup de temps d'être pris au sérieux. On a quand même voulu m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Mais Marina est l'artiste qui rapproche. L'artiste de son œuvre déjà, pour ne faire qu'un, et l'artiste de son public, comme elle l'explique. Le corps est un lieu de sacrifice et de légende. Je crée des situations sans intermédiaire entre l'artiste et le public. Et quand elle va trop loin dans ses performances, c'est parfois au public d'intervenir et d'interrompre l'œuvre. Et le succès est aujourd'hui total pour celle qui s'est donnée corps et âme à son art. De nombreuses distinctions, une rétrospective de son vivant au MoMA, c'est aujourd'hui la diva de l'art contemporain. Sa vie entière est une œuvre, et elle ne s'arrêtera jamais, car elle a déjà tout mis en scène jusqu'à ses funérailles, pour lesquelles elle organise déjà des répétitions. Une légende vivante. Culte.